مسلمين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى في درس، وعليكم السلام ورحمة الله، في درس قصة آدم عليه السلام. قصة آدم عليه السلام وقد بدأناها الأسبوع الماضي، وهذا إن شاء الله تعالى الدرس الثاني فيها. Donc c'est le deuxième درس إن شاء الله تعالى، le deuxième cours en ce qui concerne la vie d'Adam عليه السلام. On a déjà fait un cours, si je me trompe pas, إن شاء الله تعالى c'est le deuxième. إن شاء الله c'est le deuxième. Et comme toujours avant de commencer, je vais demander à ceux qui veulent m'aider pour la traduction, pour que je leur enlève le point rouge, Inch'Allah Ta'ala. On commence. Inch'Allah Ta'ala, parce que le cours Hada Aydan, tous les cours qu'on fait, Inch'Allah Ta'ala, ils rentrent dans le dans les contrôles et les devoirs qu'on fait. Tout ce que je dis rentrera, Inch'Allah Ta'ala, dans le dans les contrôles et dans les devoirs. Quand je termine ce dors, Inch'Allah, je vous donne la réponse de vos devoirs. Je vais vous dire que tout ce que je dis maintenant, yani, il rentre. Bon, il n'y a personne qui veut aider dans la traduction. Al-Muhim, nous avons dit dans le dors avant celui-là, nous avons dit que Adam alayhi salam, quand Allah Azza wa Jalla a créé, une petite révision, on commence. Quand Allah Azza wa Jalla a créé Adam alayhi salam, il a demandé aux anges de se prosterner. Et avant, les anges se sont demandés. Et ils se sont même dit, comment ya Allah tu vas créer quelqu'un qui va faire des crimes, etc. Parce qu'ils avaient vu avant Adam alayhi salam les djinns. Les djinns existaient avant Adam alayhi salam. Et les ont vus en train de faire des crimes, etc. Donc les anges, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi, ce n'est pas pourquoi, yani a'tirad, tu dis quelque chose, tu dis pourquoi tu fais cela, a'tirad, a'tarid alik, c'est pas en ce sens. Ils ont dit, c'était alam, ils veulent comprendre, yani par étonnement, ils veulent comprendre. Il y a une grande différence quand je comprends pas quelque chose, je te demande pourquoi, et quand je te dis pourquoi tu as fait cela, sous al inkari, pourquoi tu as fait cela, ça veut dire je ne veux pas que tu le fasses. Et dans le deuxième, je voudrais seulement savoir pourquoi tu as dit cela. C'est pour ça que Talib al-Ilm, toujours quand il pose une question, il la pose avec quoi? Avec adab, avec bon comportement. Il la pose et il ne dit jamais pourquoi tu as dit cela. Comme m'a dit l'autre la fois passée, tu t'es trompé, tu as fait cela, tu t'es trompé. Ça, ce n'est pas Talib al-Ilm qui dit cela. Talib al-Ilm, même s'il voit quelqu'un qui s'est trompé, il vient comme ça avec hikma, avec sagesse. Et Cheikh Barakallahu fik, moi j'ai lu une fois chez X qui a dit ceci, cela, yani, est-ce que les deux sont justes ou là? L'autre, il va, yani, il est un ebbe. Oh là, peut-être que je me suis trompé, j'ai dit ceci au lieu de cela, etc. C'est pas, il vient directement. Il lui dit, tu as fait cela, tu t'es trompé, ce n'est pas bien. Al-Muhim, Allah Azza wa Jal leur a dit, ni a'lam ma la ta'lamoun, je sais ce que vous ne connaissez pas, je sais ce que vous ne connaissez pas. Ensuite, bien sûr, lorsque il a créé Adam alayhi salam, on est toujours dans la révision. Lorsqu'il a créé Adam alayhi salam, il a demandé aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés, sauf Iblis al-La'in. Maintenant, Adam alayhi salam, quand Allah a créé, lui a pris tous les noms. Ensuite, arada alal malaika. Ensuite, il a dit aux anges, yani, dites, appelez-moi, comment on dit cela, qu'est-ce qu'ils ont dit, Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous, on ne peut connaître que ce que tu nous as appris. On ne sait que ce que tu nous fais savoir. Alors que Adam alayhi salam savait les noms. L'Azur les lui avait appris. C'est pour ça qu'il a dit, Ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Dis-leur comment on dit ceci, comment on dit cela. Quand il leur a dit, bien sûr, c'est là qu'ils ont dit, Rabbana, la ilma lana illa ma 'allamtana. Donc c'est le shujjal oula, bil ilm, avec la science. Quelqu'un avec la science, il peut devenir mieux que quiconque quand il a la science. Mieux que le plus riche, mieux que le plus beau, mieux. Pourquoi? Parce que tu as la science. Man yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fid din. Allah Azza wa Jalla aime quelqu'un, il lui apprend la science. C'est pas il lui donne de l'argent, il lui donne les palais. Il lui apprend la science, il lui apprend sharia, il lui apprend la hadith sahiha, il lui apprend fiqh, il lui apprend tafsir, usul fiqh. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit de Abdullah ibn Abbas? Allahumma faqihu fid din. Wa allimhu tafsir. وعلمه التأويل وعلمه الكتاب توصف من دي رواية صحيحة اللهم فقهه في الدين إلا فادي اللهم أعطيه الدنيا إنما يقول اللهم فقهه في الدين donc ensuite on a dit qu'il y avait des anges dont leur but était spécialement de faire monter les actions qu'on fait. Cela ils se regroupent في صلاة العصر وفي صلاة الصبح comme c'est dans le hadith صحيح. Donc, nous, quand ils montent, ceux qui ont passé la nuit avec nous, quand ils montent, il y a d'autres qui descendent, qui vont rester jusqu'au Asr. Ensuite, ils travaillent par équipe. Ceux-là, quand ils montent chez Allah, il va leur dire, comment avez-vous laissé Abdi, mon serviteur? Comment avez-vous laissé mon serviteur? Ils diront, Ateynahu yusalli wa tarakna yusalli. Quand on est venu, on est descendu, on l'a trouvé en train de faire la prière. Et quand on est monté en train de faire la prière. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Min salla al-bardain dakhala al-jannah. Subh wa al-asr. Subh est la prière du asr. Très très importante. D'ailleurs, c'est les moments où, comme j'ai dit, les actions montent chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a dit que quand Allah azza wa jalla leur dit ceci, c'est comme s'il voulait dire vous aviez dit que j'allais créer quelqu'un qui allait faire des problèmes et des crimes et des machakels. Alors que, voilà, vous-même, vous reconnaissez que quand vous descendez, vous le trouvez en train de faire la prière, quand vous montez, vous le laissez en train de faire la prière. Deuxième hujja. Ensuite, on a dit que tous se sont prosternés, sauf Iblis. Iblis n'a pas voulu se prosterner. Là, il y a un avantage très important à connaître, c'est quoi? C'est que, quand on dit que quelqu'un est kafir, quand on dit de quelqu'un qu'il est kafir, ce n'est pas obligé, yani, qu'il nie Allah. C'est pas obligé qu'il dise qu'il n'y a pas Allah. C'est pas obligé qu'il soit un athée. Mais il y a le kuf, il y a un noir. Il y a kuf du houd, comme il a dit, du houd, négation. Comme a dit Pharaon, il a dit il n'y a pas de Dieu là. Il n'y a pas. Il a dit à Haman, construis-moi une tour, je vais monter voir s'il est. Il existe là, ça n'existe pas. Et il y a le kufr, comme le kufr de Iblis par exemple, kufr takabbur. Takabbur. Je dis, sah, il y a Allah, sah, je reconnais, mais jamais, au grand jamais, je ne mettrai mon nez par terre. Jamais. Ça, même s'il dit, il y a Allah, et j'atteste que Allah, subhanahu wa ta'ala, existe, c'est un kafir. J'atteste que Allah, subhanahu wa ta'ala, existe. J'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est son prophète. Mais jamais, au grand jamais, mon nez ne touchera la terre. Celui-là, c'est un kafir. Malgré qu'il a attesté. Pourquoi? Car c'est un kufr. De quelle sorte? C'est un kufr iba ou stikbar. Donc, il y a cinq sortes de kufr. Celui qui nous intéresse ici, c'est kufr iblis. Kufr iba ou stikbar. Donc, il n'a pas voulu. Il a dit, moi, je suis mieux que lui. Il a fait un faux qiyas. Qiyas, fi muqabal, qiyas fasid i'tibar. Pourquoi? Parce que c'est un qiyas fi muqabal nas. Allah Azza wa Jalla a dit, tu fais le sujud, lui il est allé faire le qiyas. Il a dit, moi j'ai été créé par le feu, lui il a été créé de terre, le feu est mieux que la terre. Awalan, qui t'a dit que le feu est mieux que la terre? Qui t'a dit? Ça c'est lui qui l'a dit, c'est tout. Qui t'a dit? C'est toi qui as dit que le feu est mieux que la terre. C'est pour ça que Ibn Qayyim alayhi rahmatullah, dans un de ses livres, je crois si je ne me trompe pas, il racète la fin, même c'est dans beaucoup de livres, il a apporté beaucoup de délits, peut-être 5 ou 6, que la terre est mieux que le feu. La terre est mieux que le feu. Ce qui nous intéresse ici, pour entrer dans le prochain dars, inshallah ta'ala, c'est que Iblis n'a jamais été un ange. N'a jamais été un ange. Se trompe et contrarie, contredisent le Coran. Ceux qui disent que Iblis était un ange. Parce que l'Azul a dit carrément, il a Iblis, kana min al-jinn, fa fasaqa an amri rabbih. Premièrement, il a dit kana min al-jinn, clairement, comme ça, kana min al-jinn, laysa min al-mala'ika. Il était des djinns, pas des anges. Deuxièmement, il a dit fa fasaqa. Fasaq. Les malaïka, les anges ne font jamais de péché. Iblis, il a dit, c'est un fasaq, c'est un pervers. Deuxième preuve. La troisième preuve, lorsqu'il a dit l'azul dans un autre verset, vous le prenez lui et ses enfants alliés à ma place. Donc, il a dit lui et ses enfants. Et pour que quelqu'un ait des enfants, il faut qu'il ait une femme. Il faut qu'il ait une femme, il se marie. Il n'y a jamais quelqu'un qui peut avoir un enfant sans se marier. C'est pour ça que les ulama disent, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a des gens qui font i'tida fi du'a, yani, qui ont un péché dans le du'a parce qu'ils exagèrent, c'est de dire par exemple, Allahumma atini al-walid min ghayri an yatazawwaj. Quelqu'un qui ne veut pas se marier, qui lève les mains, il dit, ya Allah, donne-moi un enfant. Il ne veut pas se marier. Celui-là, il a un ism. Pourquoi? C'est l'i'tida fi du'a. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Iblis ici, Allah a dit qu'il avait des enfants, donc il avait une femme, et les anges ne se marient jamais, et encore moins n'ont pas d'enfants. Donc voilà, il y a à peu près deux ou trois preuves que Iblis n'a jamais été un ange, mais seulement tellement il adorait Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal l'a laissé, yani l'a élevé au rang des anges. Tellement il l'adorait, il l'a élevé au rang des anges. C'est pour ça que lorsque l'Azul a dit Usjudu li Adam, il était parmi eux. Donc, puisqu'il était parmi eux, il était aussi obligé de faire le sujoud, et hein, il était ordonné aussi. Il n'a pas voulu le faire. Là, Iblis, on va avoir beaucoup de problèmes avec lui dans cette histoire. À chaque fois, on va, inshallah ta'ala, dire des choses. Ensuite, le nouveau, inshallah ta'ala, à partir d'aujourd'hui, j'ai dit, je redis, que tout ce que je dis rentre dans les prochains contrôles et les prochains devoirs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, on n'a pas assisté, quand j'ai corrigé aujourd'hui. Moi, je dis tout ce que je dis, et yani, c'est celui qui note, bien Ahmed, celui qui veut pas noter, ça lui revient à lui. Ensuite, wa amar Allah azza wa jal, آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. Ensuite Allah عز وجل a ordonné ou l'a permis ou l'a dit, enfin il a dit à Adam عليه السلام, يعني toi et ta femme rentrez au paradis. Maintenant, dans un quart d'heure, inshallah, on va parler de la femme Hawa alayhi salam, comment elle a été créée, etc. Il aura dit rentrer au paradis et manger de tout ce que vous voulez, à n'importe quelle heure. Manger. Wala taqraba hadi shajara. Il y a seulement un arbre, je ne voudrais pas que vous l'approchiez. Fatakuna min zalimin. Si vous mangez cet arbre, vous allez, yani, je vais me mettre en colère contre vous. Ou là, vous allez être yani, vous allez faire des péchés. À peu près, c'est comme ça le sens. Hein. Difficile de traduire en français. Al-Muhim. L'arbre, l'Azawajal, ne l'a pas mentionné dans le Coran, il ne l'a pas cité. On a dit que, il y a des choses, min al-ilm alladhi la yinfa' ou al-jahl alladhi la yadur. Il y a des choses qui, quand tu les apprends, ça te donne rien. Et quand tu les connais pas ou là, ça te fait rien aussi. Par exemple, l'arbre ici, l'Azawajal, si c'était important de citer son nom, il aurait dit وَلَا تَقْرَبَا هَذِي شَجَرَ مَثَلًا مِنَ الرُّمَّانِ, n'approchez pas cet arbre de grenade, ou cet oranger, ou ce citronnier. Il n'a pas voulu le citer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne doit pas manger d'un arbre. Et les ulama ont dit, est-ce que c'est un arbre, voilà, un, comme un et un, ça fait deux, un arbre spécialement, ou bien quand il a dit cet arbre, en arabe on dit l'jinsiyya, c'est-à-dire ce genre d'arbre. Par exemple, il lui a montré un pommier, il lui a dit ne mange pas de cet arbre. Ça veut dire ne mange pas de tous les pommiers qu'il y a. S'il lui montre un oranger, ne mange pas cet arbre. Ça veut dire ne mange pas les oranges. Est-ce que c'est le premier ou c'est le deuxième? Beaucoup ont dit c'est le deuxième. Jins, yani, ne mange pas ce fruit, c'est pas spécialement cet arbre, mais le fruit qu'il y a dans le paradis de cet arbre. Yani, tous les arbres qui ont le même fruit. Ensuite, quand il a... Non. Ensuite, Allah Azza wa Jal khalaqa Hawa alayhi salam. Allah Azza wa Jal khalaqa Hawa alayhi salam. Beaucoup de ulama et la plupart, bien sûr, ont dit Hawa a été créée avant de rentrer, avant que Allah Azza wa Jal ait dit à Adam rentre au paradis. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'il lui a dit rentre toi et ta femme. Rentre toi et ta femme. Donc, il faut qu'il y ait d'abord la femme, ensuite, pour qu'elle puisse rentrer. Donc, Hawa a été créée avant qu'elle ne rentre au paradis et avant qu'il n'ait dit rentrer au paradis. وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أسيتي دون زحاديت ك Et c'est ça le plus connu dans les tafsirs, etc. Que Hawa a été créée d'une côte, de la petite côte gauche, du côté gauche de Adam alayhi salam. La petite gauche, c'est juste sous l'aisselle. C'est juste sous l'aisselle, parce que les côtes, elles commencent d'en bas et on monte. Et plus tu montes, plus ça devient, je crois, petit. C'est de là que Hawa alayhi salam a été créée. Et plus tu montes, plus ça devient la côte devient de plus en plus aouja, si on peut dire courbée. Plus tu montes, plus ça se courbe beaucoup plus. Et la preuve que tordu, et le dalil aussi qu'elle a été créée de Adam. C'est bien simple, c'est comme dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Oh gens, et craignez Allah Azza wa Jalla qui vous a créé d'une seule personne, nafs wahida, wa khalaqa minha zawjaha, et a créé de cette personne, ou de cette âme, il a créé qui? Zawjaha. Il a créé, yani, celle qui lui ressemble, zawj, yani, la même chose. Et c'est qui, bien sûr? C'est Hawa alayhi salam. Là, vous remarquez que, en principe, quand on médite bien, il y a quoi? Il y a quatre sortes de gens. Il y a ceux qui ont été créés de père et de mère. C'est qui? C'est nous tous. Ensuite, il y a ceux qui n'ont été créés ni de père ni de mère. Ceux qui n'ont été créés ni de père ni de mère, c'est Adam alayhi salam. Attention, cette chose va tomber dans les devoirs. Il y a ceux qui ont été créés de père et de mère, tous les gens. Et ceux qui n'ont été créés ni de père ni de mère, Adam alayhi salam. Et ceux qui ont été créés seulement de mère, Isa alayhi salam. Et ceux qui ont été créés seulement de père, Hawa alayhi salam. Hawa n'a pas de mère. Alors seulement qui Adam, qui sera son mari, mais qui, les ulama disent, c'est aussi son père. Pourquoi? Parce que c'est de lui qu'elle est sortie. Donc, il y a quatre groupes de gens, comme je viens de le dire. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, « Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida » pour montrer qu'elle a été créée de Adam. « Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha » et il a fait d'elle quelque chose qui lui ressemble du mifl, c'est son épouse, liyaskuna ilayha. Liyaskuna ilayha, quand l'homme yani, a son épouse, yani, il peut satisfaire ses désirs, etc. Liyaskuna ilayha. Wa fi sahihayn, chez le Bukhari ou Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, istawsu bid nisa'i khayran. Istawsu bid nisa'i khayran. Yani, je vous recommande d'être bien avec vos épouses. Ou bien avec les femmes en général, ou bien plus précisément avec qui, avec vos épouses. Istawsu bin nisa'i khayran, fa inna al-mar'ata khuliqat min dila, car la femme a été créée d'une côte. La femme a été créée d'une côte. Wa inna a'waja shay'in fi dila a'la, et la chose la plus tordue, dans la côte, c'est le côté haut. فإن ذهبت تقيمه كسرته. Si toi on te donne une côte, tu vois qu'elle est tordue, tu dis attends, je vais, surtout c'est beaucoup plus tordu par en haut, je vais essayer de rendre cette côte yani comme ça normale, yani direct, au lieu que ça soit courbé, je vais essayer de pour qu'elle soit par exemple droite, elle soit droite comme une règle par exemple. Je vais la mettre droite comme une règle. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et voilà, redresser. Et si tu vas essayer de la redresser, cette côte, qu'est-ce qui va se passer? Tuxero. La sorte, tu vas casser la côte à cause de l'angle. Tu vas la casser. Ou un caractère, si tu la laisses, lem yazel awaj. La côte restera toujours tordue. Fastawsu bi nisa khayran. Donc je vous recommande être bien avec des femmes. Dans un autre hadith, c'est le Bukhari, dans un autre hadith musulman, a plus précisé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux le redresser, ou bien la redresser, tu vas la casser, et son cassement, c'est le talaq. Son cassement, c'est le divorce. C'est pour ça que le ulama dit, le plus intelligent des musulmans, et qui connaît ce hadith, il sait qu'il y a ce hadith, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, donc il n'y a pas de moyen de vivre une vie bien avec son épouse, une vie parfaite, que d'accepter qu'elle a été créée d'une côte tordue. Maintenant, toi, Allah Azza wa Jal, qui a créé la femme, et qui l'a créée d'une côte tordue, une côte tordue, l'âme, tu veux, toi, une côte, tu veux la redresser. Une côte ne se redresse jamais. Donc, tu dois quoi? Tu dois yani, patienter quand il y a quelque chose qui vient de ta femme. Il y a quelque chose qui vient, des choses qui viennent, tu dois patienter. Et la femme, comme vous savez, surtout l'épouse, elle a la plupart du temps beaucoup de problèmes. Elle a les enfants, elle a la cuisine, elle a les vêtements, elle a ceci, elle a cela. Donc, c'est pour ça qu'elle s'énerve très facilement. C'est pour ça que elle a les menstrues, elle a l'accouchement, elle a beaucoup de problèmes. C'est pour ça que yani, il faut que le musulman sache que yani, afin que hatta ya'dira, comment on dit ya'dira, afin que yani, ya'dira, quand quelqu'un fait une faute, par exemple, disons qu'il pardonne, ou là, quelque chose comme ça. Donc, quand quelqu'un sait pardonner, quand quelqu'un sait excuse, et qu'il lui excuse l'âme, afin qu'il lui trouve des excuses et lui pardonne, qu'il pardonne. Donc, le vrai musulman, quand il connaît ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a prévenu que si tu vas essayer de redresser la côte, tu vas aller au mariage, pardon, tu vas aller au divorce. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a dit dans le hadith de Sahih Muslim, tu veux redresser de force, tu vas aller au divorce. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith sahih, c'est authentifié par Albani dans Sahih al-Jami', il a dit dans ce sens, il a dit, لا يفرق مؤمن مؤمنة il a dit un mu'min, il n'a pas dit musulman. Regarde, il n'a pas dit musulman. Le musulman, il peut boire l'alcool. Ça, c'est un musulman. On parle du mu'min. Mu'min, c'est beaucoup plus haut que le musulman. Il a dit, le mu'min, il ne déteste jamais le mu'mina. La yafraku mu'minun mu'minatan. Le mu'min, le croyant, ne déteste pas la croyante qui parle de son épouse. Pourquoi? قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Si tu détestes quelque chose en elle, hein, elle parle beaucoup, elle dort beaucoup, elle est paresseuse, tu as détesté quelque chose en elle. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam إن كره منها خلقا رضي منها آخر. Si tu détestes quelque chose en elle, tu es perda, tu es ravi ou là tu es yani d'autre chose. Soit tu vois seulement le défaut, yani tu vois pas le contraire, yani des défauts, tu vois pas le, comment on dit ça, je connaissais le mot, comment on dit le contraire de défaut, yani tu vois pas yani le, comment on dit, il y a un mot pour dire le contraire de défaut, on dit celui-là il a des défauts et celui-là il a des, yani le contraire. Des qualités, barakallahu fik, qualité, naam, exactement, qualité. C'est pour ça que quand il y a 3 ou 4 ou 5 qui traduisent, c'est mieux. Des fois quelqu'un est distrait ou là il n'est pas là, le deuxième donne, ensuite le troisième donne, et des fois le, par exemple l'un des 4 ou là des 5 traducteurs donne un mot qui est beaucoup plus proche du sens que je veux ou là du sens du hadith. C'est pour ça que je choisis celui-là. C'est pour ça que je dis, même maintenant je redis, s'il y a les frères ou là des soeurs qui veulent jouer, enlève le point rouge. C'est juste pour nous aider, comme je disais, Inch'Allah Ta'ala, ils ont un ajr indallah subhanahu wa ta'ala. Celui qui sent en lui qu'il peut faire la traduction, nous aider à cela, il aura Inch'Allah Ta'ala un ajr indallah subhanahu wa ta'ala, parce que il aide les gens à comprendre la religion. Alhamdulillah. Maintenant, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quoi? Nous apprend que quand tu détestes quelque chose en une femme, en ton épouse, n'oublie pas les qualités qu'elle a. Pourquoi tu parles seulement des défauts? Pourquoi tu parles pas quand elle souffre, et quand elle accouche, et quand elle est malade, et quand elle est fatiguée, et quand elle... tout cela, pourquoi tu l'oublies? Pourquoi tu parles, tu vois seulement les défauts? Si seulement une fois tu rentres, tu trouves qu'elle était fatiguée, elle n'a pas préparé le manger. Khalas, on va faire yani nuqim dunya. Khalas, peut-être ça va aller au divorce. Toi, tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais. Tout cela, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas comme ça. Car Anas radiallahu ta'ala anhu a dit j'ai travaillé, yani, il a dit amiltu. Bon, c'est pas j'ai travaillé, il a dit yani, j'ai côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années. Jamais il ne m'a dit pour une chose, j'étais au service, naam, j'étais au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 années. Jamais il ne m'a dit pour une chose que je devais faire, je n'ai pas faite, pourquoi tu ne l'as pas faite. Et le contraire. Et jamais il ne m'a dit pour une chose que j'ai faite qu'il ne fallait pas faire, pourquoi tu l'as faite. Subhanallah. Sur 10 années, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il remarque qu'elle s'il fait des choses, il ne lui dit rien. Seulement il se tait. Allah, nous on est yani, vraiment loin. Wallah, on est vraiment loin. Allah subhanahu wa ta'ala, an yu'allimana wa an yahdiyana. Donc toi, quand tu as des problèmes avec ta femme, n'oublie pas qu'elle a beaucoup de qualités, et que ce défaut que tu as vu aujourd'hui, tu peux, quand tu vas compter ce défaut avec toutes les qualités qu'elle a, ce défaut va fondre dans la mer des qualités qu'elle a. Ensuite, ce qui doit t'aider aussi, cher frère, ce qui doit t'aider aussi quand tu es avec ton épouse, c'est que n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il avait des fois des problèmes avec ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Et que par conséquent, ce qui se passe entre les époux, c'est quelque chose de normal, très normal. Ce qui se passe, c'est normal et très normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça se fasse tous les jours, un jour oui, un jour non. Ça, c'est pas normal. Mais quand ça se fait une fois par mois, une fois tous les 3 mois, ça c'est très normal. Il n'y a pas une famille où ça s'est jamais passé cela. Je ne pense pas qu'il y ait une famille, depuis que l'Azul a créé les créatures, qui peuvent par exemple rester une année ou là, deux années ou là, sans qu'il y ait une petite chose comme ça entre eux, et on est en train de parler. Je ne crois pas que ça existe. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans un hadith sahih de Bukhari, une fois, ses épouses l'ont énervé, il a dit, je crois même qu'il a juré, il a dit, je ne rentrerai pas à la maison, un mois. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il montait au premier étage de la mosquée. Il n'y avait pas un étage comme aujourd'hui, il y avait une petite échelle, il montait sur l'échelle, et il y avait comme une petite chambre, si on peut dire, comme ça, avec le qsabba, je ne sais pas comment on dit le qsabba là, il y avait une petite chambre. Il restait là-bas, il descendait pour faire la prière, et il montait là-bas, parce que ses femmes, ses épouses, radiallahu ta'ala anhu najma'in, lui ont demandé, yani nafaqa, toutes les femmes ont de l'or, etc., etc. Al-Muhim, il a dit que je ne rentrerai pas un mois à la maison. Ensuite, lorsqu'il est rentré, le mois s'est terminé, il est rentré, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu ta'ala anha, lui a dit, pourtant, tu avais dit, je reste un mois, alors que tu n'es resté que 29 jours. Subhanallah al-Azim, elle veut lui marquer un point. Tu as dit, je reste un mois, tu n'es resté que 29 jours. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes, j'ai dit un mois. Et ce mois a 29 jours. Parce que les mois en arabe, ils ont ou bien 29 ou bien 30, il n'y a pas 31. Donc elle a voulu lui marquer un point, c'est lui qui a marqué. Il a dit non, j'ai dit un mois, ce mois c'est 29 jours. C'est toi, yani, qui t'es trompé. Subhanallah al-Azim, chouf Aïcha radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Radiallahu ta'ala, anha, wa anhunna ajma'in. Donc, ça s'est passé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toi et moi, comment veux-tu que ça ne nous passe pas des choses comme celle-là? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il est sorti un mois. Et une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la maison de sa fille, Fatima, radiallahu ta'ala anha, il cherchait Ali, son gendre et son cousin, il ne l'a pas trouvé. On lui a dit que il s'est énervé avec Fatima, radiallahu ta'ala anha, elle l'a énervé, ils se sont disputés, il est sorti. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à sa recherche, il est allé directement à la mosquée. La mosquée autrefois n'avait pas de tapis, etc., c'était du sable. Il l'a trouvé endormi, sa joue contre la terre, torab, sa joue contre la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comme ça avec son pied, il lui a dit, lève-toi Abu Torab, yani, il voulait plaisanter avec lui, lève-toi Abu Torab. Quand quelqu'un a une chose, il l'a fait tellement là, on dit Abu plus cette chose, tellement toi tu as de Torab, de terre sur ton visage, Abu Torab, Abu Lahab, tellement il va avoir de feu, Abu Lahab. On dit d'une personne, celui-là c'est un Abu Dinar, il a beaucoup l'argent, celui-là c'est un Abu Dollar, etc. Donc Ali radiallahu ta'ala anhu aussi a eu des problèmes, il est parti dormir à la mosquée. Je dis pas à mes frères de s'il se passe quelque chose, ils vont sortir un mois et ils vont dormir à la mosquée. Hein. Je suis seulement en train de vous dire, Yannick, que ce sont des choses normales et qui arrivent à tout le monde. C'est pas dès qu'il se passe quelque chose, tu vas dire je vais divorcer. Dès qu'il se passe quelque chose, tu vas divorcer. Tu n'es pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en l'énervé, il restait un mois dehors. Et Ali qui l'a laissé sa maison et allé dormir à la mosquée. Donc c'est pour ça que les ulama aussi disent que la meilleure des choses, quand tu es énervé avec ta femme, la meilleure des choses, c'est de t'éloigner d'elle. T'éloigner, c'est pas ne plus revenir. Non, par exemple, sors de la maison et va faire un tour en ville et reviens. Sors de la maison, va à la mosquée faire une prière et reviens. C'est la meilleure des choses. Ça aide quoi? Ça aide à diminuer le fitna. Parce que le shaitan veut agrandir encore plus. Le shaitan, s'il peut, c'est le divorce. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih, qui dit que le shaitan, il a arche, L'arche, il a un trône. Il a un trône. Son trône, c'est où? C'est sur la mer. Un trône en pleine mer. Et que chaque soir, il regroupe ses shayatins, les autres, lui c'est Iblis le grand, il groupe les soldats chaque soir. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Donnez-moi le rapport. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Et lui dit, moi, j'étais avec X jusqu'à ce qu'il ait bu de l'alcool. Tu n'as rien fait. Toi, qu'est-ce que tu as fait? J'étais avec X, West jusqu'à ce qu'il a fait la zina. Tu n'as rien fait. Et toi, jusqu'à ce qu'il dise quelqu'un, moi, yani, j'étais en train yani, de faire le West à l'homme et à sa femme jusqu'à ce que je les ai séparés. Ah, il le prend, il l'enlace, il lui dit, toi, tu es mon fils. Toi, tu es yani, voilà, toi, tu es mon vrai serviteur. Toi, tu es mon vrai soldat. Comme a dit Allah Azza wa Jal, nous ferons bien le mar et le zouji. Il disperse entre l'homme et sa femme. Quand quelqu'un arrive à disperser entre l'homme et la femme, ça veut dire que quand il a fait quelque chose, bien sûr, c'est le plus grand, l'un des plus grands crimes, de disperser entre l'homme et la femme. Donc, c'est pour ça que s'il y a beaucoup de machakils, tu sors. Tu sors et tu reviens après une heure ou après deux heures, tu vas à la mosquée, tu vas lire un peu de Coran, là, tu vas faire quelques prières, ou là, tu vas par la mosquée, tu fais un petit tour, je ne sais pas où, dans un jardin, et tu reviens, tu trouves, Inch'Allah Ta'ala, que les choses se sont calmées, car Iblis, et il n'est plus là pour qu'il te fasse dire, un t'es pas l'air, pour qu'il te fasse dire, tu es divorcé. Et quand quelqu'un est énervé beaucoup, il le dit, yani, par izzat al-nafs. On a quelque chose, yani, que ça s'appelle izzat al-nafs. Ça s'appelle, tu dis comme ça, tu dis, tu sais que tu vas regretter, mais tu le dis. Alors, je le dis, si je puis dire, par orgueil. Tu dis, Allah, je dis moi. Même si y a un ikhlas, on va se divorcer, on va se séparer, mais je dis. Et la femme, l'épouse, avec quand il y a le shaitan et la colère, etc., elle peut même te faire un défi. Si tu es un homme, divorce. Si tu es un homme, dis maintenant que je suis divorcé. Alors l'homme, quand il va écouter, entendre quelque chose pareil, il va se dire, comment? Et donc, je ne suis pas un homme. Shaitan va lui dire, comment? Tu n'es pas un homme, toi. Khlas, elle a dit, tu n'es pas un homme. Prouve que tu es un homme. Prouve. Vas-y, je suis avec toi. Prouve. Je suis avec toi. C'est comme ça va dire le shaitan. Alors qu'il vaut mieux s'enfuir et aller loin, dire « Aoudou Blam Shtarajim, Aoudou Blam Shtarajim » et sortir. Si tu vas dire la phrase elle dit, ensuite, bien sûr, la nuit, tu vas beaucoup regretter, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala n'y a dit non, n'y a dit maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ici? Allah Azza wa Jalla a dit, Iblis, pardon, le livre, dans le livre, c'est ici, Iblis, يُوَسْوِسُ لِأَدَمْ وَحَوَّا عَلَيْهِمَ السَّلَامِ يُوَسْوِسُ. قال الله عز وجل فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Iblis, هذا Iblis, c'est notre plus grand ennemi. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ تَخِذُوا عَدُوًا. Allah عز وجل a dit, le shaitan c'est votre ennemi. Prenez-le comme ennemi, prenez-le. اتَخِذُوا عَدُوًا. Celui-là, il s'est dit, il est impossible que je rentre seul en enfer. C'est impossible. Il faut que je rentre avec moi des gens. Ça s'appelle en arabe l'istinès bi fi'l nadir. Ça veut dire que quand, je donne un exemple. Quand quelqu'un fait par exemple quelque chose, hein, supposons par exemple qu'il ait fait une grande faute, il voudrait savoir est-ce qu'il y a d'autres qui ont fait cette faute. Pourquoi? S'il y a d'autres, il va dire dans son cœur, Alhamdulillah, je ne suis pas le seul. Alhamdulillah, je ne suis pas le seul. C'est pour ça que Ka'b ibn Malik, radiallahu ta'ala, quand il n'est pas parti à la rejoie dans le Bukhari et les autres, il a demandé, il a dit, est-ce qu'il y a certains aussi qui ne sont pas partis? Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a plus parlé, etc. On lui a dit, oui, il y a deux autres aussi qui ne sont pas allés au djihad. Donc, yani, dans son cœur, il s'est dit, dans son cœur, hein, Alhamdulillah, je ne suis pas le seul. Hein. Quand quelqu'un fait quelque chose ou là, il voudrait qu'il ne soit pas le seul. Il voudrait, ça, pour le rassurer, ça t'aide un peu, ça t'aide. Alhamdulillah, je ne suis pas seul. La même chose, Shaitan, la même chose, il va se dire, si je rentre Jahannam, je vais rentrer en enfer seul. C'est grave. Mais si je vais faire rentrer avec moi des milliers ou des millions, khalas. Comme beaucoup de gens disent maintenant, disent, je ne vais pas être le seul. pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu fais pas cela, allez, laisse-moi, je vais aller à Jahannam, on sera tous là-bas, je vais être le seul, il y a des milliers qui sont là-bas, pourquoi tous et n'ont pas peur, moi je vais avoir peur. C'est comme ça que qu'ils disent et que le shaitan leur fait dire. Allah Azza wa Jalla a dit, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنَا. Shaitan, yani, par malheur, mal asaf, il les a fait sortir. C'est lui qui les a fait sortir. Yani, حَسَدًا. Comment Hada, il l'a créé. Ensuite, il lui a donné le paradis. حَسَدًا, il a dit, comment Hada, ça va se passer? C'est impossible. J'accepte pas cela. Il faut que je le fasse sortir. Il faut chercher des ruses, des subterfuges comme ça. Comment le faire sortir Adam, comment faire sortir Adam alayhi salam. Donc, قال عز وجل فأخرجهما مما كان فيه. Il les a fait sortir de d'où il était, ou là, dans la merveille où il était. Parce qu'ils étaient dans une grande merveille. Yani, ils étaient dans un endroit où tu ne fais rien. Seulement tu manges, seulement tu te promènes, seulement. Yani, comme a dit la Azawul, les arbres, leurs branches sont comme ça, yani, courbées vers la terre. Yani, juste tu lèves ton visage, tu trouves la chose qui vient comme ça directement vers ta bouche. C'est même pas, yani, la peine de monter dans un arbre pour faire descendre des choses ou là, à portée de main. Toute chose est à portée de main. Chaque chose que tu manges, jamais il y a une autre chose qui lui ressemble. Kullama ruziqu minha min rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabihan. Ça se ressemble seulement. Il n'y a jamais quelque chose qui se ressemble. Alors le shaitan, qu'est-ce qu'il va faire? Kawaswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihima. Certains ont dit, subhanallah, comment le shaitan est-il rentré au paradis? Le shaitan, s'il rentrait au paradis, khlas, yani même demain, s'il va en enfer, il va dire aux kuffars, je suis mieux que vous. Moi, je suis rentré au paradis. Et il va dire aux musulmans qui iront en enfer aussi, avant que Allah Azzawajal les fasse sortir, il va leur dire, moi j'ai vu le paradis. Il va leur montrer, yani même leur décrire le paradis. Donc le shaitan n'est pas rentré au paradis. Certains ont dit, le shaitan, vous savez qu'il peut se métamorphoser. Il peut venir comme une chèvre, sous la forme d'une chèvre. Il peut, mais surtout, il vient sous la forme d'un chien noir. C'est pour ça que le chien noir, qui a deux points blancs entre les yeux, celui-là, on peut le tuer même s'il ne mord pas. Celui-là, on peut le tuer même s'il ne mord pas. Car les chiens, il y a trois sortes. Il y a un chien qu'on doit tuer s'il nous fait des machakils. Qui c'est celui-là? C'est le chien à Akour, qui mord. Un chien qui mord, il court derrière moi, il veut mordre. Celui-là, on peut le tuer. Et il y a le chien qu'on doit tuer, le noir, qui a des taches noires, des taches blanches entre les yeux. Et la troisième sorte, tous les autres chiens, on n'a pas le droit de les tuer. Tant qu'ils ne mordent pas, et tant qu'ils ne sont pas noirs avec deux taches au-dessus des yeux. Donc le shaitan, il se métamorphose, comment on dit métamorphose, il était shekel, kathiran, dans un d'accord, pas spécialement la rage. Non, s'il a la rage, bien sûr, celui-là il faut le tuer, il faut le tuer, c'est normal. Si un chien a la rage, il faut le tuer. Et la rage, c'est pas seulement un chien, tout animal qui a la rage, on peut le tuer si on sait qu'il ne va pas guérir. Mais je parle du chien qui mord seulement, d'accord, il y a des chiens qui sont dans les rues par exemple, et il voit quelqu'un, il saute sur lui. Celui-là, tu appelles la police, elle vient, elle le tue. Celui-là, il est dangereux, c'est un chien dangereux. El Mohim, je disais, certains ont dit que le shaitan est rentré au paradis sous forme de serpent. Hein? Il s'est métamorphosé en serpent et il est rentré. Et les ulama ont dit, certes, beaucoup de livres de tafsir ont dit cela, mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a ni hadith ni ayah qui a confirmé cela. Donc reste à dire quoi, puisque le shaitan ne rentre pas au paradis, n'est pas rentré, et il a fait le ouswas, reste à dire quoi, que le shaitan peut faire le ouswas même quand il est loin de toi. Et c'est vrai, Shaitan, il n'est pas obligé d'être collé à toi. De loin, il peut te faire de ouest. Les autres à l'intérieur, et lui de dehors, il peut faire de ouest. Et il sait ce qui, il voit ce qui se passe, et il commence à faire le ouest. Ensuite, le shaitan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ d'abord, فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانِ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَتِهِمَا. Le shaitan, d'abord, avant de vouloir faire sortir Adam et Hawa du paradis, il voudrait d'abord leur faire un problème, un grand problème. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que il leur fait découvrir leurs parties intimes. Adam et Hawa sont en des vêtements qui ont caché leurs parties intimes. Maintenant, lui, il veut quoi? Il veut faire quelque chose afin que il se découvre. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit: ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakin aw takuna min khalidin. Allah Azza wa Jalla leur a dit: il ne vous a interdit cet arbre que pour que quoi? Pour que vous soyez, yani, il ne vous a pas laissé manger afin que vous ne soyez pas ou bien deux anges, ou bien vous allez rester ici éternellement. Ça veut dire que si vous mangez de cet arbre, vous allez quoi? Vous allez ou bien rester éternellement ici, ou bien vous allez être, yani, deux anges. Au lieu d'homme, au lieu de personne, vous allez devenir deux anges. Les ulama ont dit, comme a dit Ibn Qayyim rahmatullah, et beaucoup d'ulama, ils disent, le shaitan Hava, il a un nez comme ça, pointu, assez pointu, il le met sur ton cœur. Il le met sur ton cœur, et il essaie de sentir ce que tu as dans le cœur. Sentir. Quand il sent à peu près ce que tu veux faire, là, alors, il essaie de te venir avec le wiswas pour voir, pour que tu acceptes de lui les choses, pour que tu accepte de lui des choses. C'est pour ça que des fois, quand il sent que quelqu'un, par exemple, même si c'est un pratiquant, par exemple, il sent que quelqu'un, par exemple, c'est un pratiquant, mais par exemple, c'est quelqu'un qui, par exemple, exagère dans la pratique. Exagère. Celui-là, le shaitan, qu'est-ce qu'il veut? Il va l'encourager. Naam, goulo, fais encore. Plus, fais plus, encore. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'ils disent, wallahi, ça m'a fatigué. Wallahi, ça m'a fatigué, l'islam, la pratique, ça m'a fatigué. J'étais autrefois mieux, sinon, ça m'a fatigué, et il lâche tout. Ou là, par exemple, il va lui dire, par exemple, que masha'Allah alik, tu es un homme sincère, ou qu'elle a, yani, la nuit, fais la prière, fais-la beaucoup. Là, il commence à faire la nuit, la prière, beaucoup, il le pousse à l'extrême, barakallahu fik. Fais la prière la nuit, et quand il reste, il va lui dire, Allah Azza wa Jalla, réjouis de toi, Allah Azza wa Jalla va descendre, le dernier tiers, Allah descend, il dit, quiconque veut que je lui exauce, quiconque veut que je lui pardonne, etc. Vas-y, fais la prière, continue, fais beaucoup. Ensuite, il commence la khur, mashallah, 2, 4, 6, 8, 10, ensuite, quand il reste une demi-heure, pour la prière du Fajr, qui est obligatoire, et la prière de la nuit n'est pas obligatoire, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait endormir. Ensuite, il se réveille à midi. Il n'a pas fait la salat de Sobh. Qui lui a fait ça? C'est Iblis Al-La'in. Ou bien, quand il sent quelqu'un, il sent dans son cœur, c'est quelqu'un mutahawin, quelqu'un mutakafil. Il le rend lourd dans les ibadat et les adorations, yani, jusqu'à ce que aussi il se dise, yani, j'en ai marre, je peux plus faire, je suis fatigué, etc. Donc lui, Iblis, il essaie de sentir ce qu'il y a dans le corps, et d'après ce qu'il y a, yatasarraf. Donc il leur a dit, Allah Azza wa Jal, manahakuma illa an takuna malakin, là je vous a interdit cet arbre parce que si vous mangez, vous allez devenir deux anges ou vous allez rester éternellement. Sauf le shaitan, comment? Il se vient du côté que tu aimes, du côté que il sait que si tu le dis, tu vas faire. C'est pour ça que l'Azoli, quand il a dit dans le Coran, il a dit la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Pourquoi il n'a pas dit la tattabi'u shaytan? Pourquoi il a dit ne suivez pas les pas du shaytan? Pourquoi il n'a pas dit ne suivez pas le shaytan directement? Il a dit les pas. Jamais un shaytan ne vient te dire écoute, il y a une femme là-bas, va faire avec elle le haram. Va faire avec elle le haram, l'illicite. Jamais il va dire cela. Il va commencer par petits pas. Toi, pourquoi tu es seul ici, elle est là-bas. Va t'asseoir dans sa chambre là-bas, ou là, dans le salon avec elle. Seulement tu discutes. Ou là, ne parle même pas. Tu vas t'asseoir. Ensuite, pourquoi c'est haram de parler avec une femme? Aïcha et les épouses du professeur, vous ne parlez pas avec les hommes. Pourquoi toi tu ne parles pas? Parle de quelque chose qui n'est pas haram. Quelque chose qui n'est pas haram. Et encore, c'est l'occasion, pourquoi tu ne lui parles pas du din? Elle ne met pas le hijab, pas lui du hijab. Et comme ça, ça s'appelle khutuwat shaitan, les petits pas. Ensuite, les petits pas, ensuite, ça va terminer par quelque chose que Allah Azza wa Jalla déteste et par le grand péché dans la plupart du temps. Donc, les ulama et les talib al-ilm, les forts, savent, ont étudié les portes et les fenêtres desquelles rentre le shaitan. Ils cherchent le mal, ils essayent de connaître le mal pour fermer les portes et les bloquer pour que le mal ne leur vienne pas. Celui qui ne connaît pas le mal, il va faire le mal et il ne sait pas. Celui qui ne connaît pas le mal, il fait le mal et il croit qu'il fait du bien. Donc, si tu connais que par exemple le shaitan va venir de cette chose-là, ou de cette porte-là, tu lui fermes la porte. Si tu ne sais pas, donc il va venir par la porte et tu vas lui ouvrir les portes. Allah Azza wa Jalla a dit فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْأَتُهُمَا. Dès qu'ils ont goûté de ce qu'ils ont mangé, beaucoup de les chrétiens disent qu'ils ont mangé la pomme. C'est pour ça qu'ils appellent ce qu'on a sous le cou, ils disent la pomme d'Adam. La pomme d'Adam. Parce qu'il a mangé une pomme et حَصْلَتْلُو. Ça s'est arrêté ici en plein milieu. Ils ont dit alors, ça lui est sorti une bosse ici, ils appellent la pomme d'Adam. Nous on a dit, il n'y a aucun verset, ni un hadith qui dit qu'il a mangé une pomme. On ne sait pas. S'il a mangé du raisin, mais s'il a mangé autre chose, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est un arbre. On sait, c'est un arbre. Ensuite, quand il a mangé, là, je l'ai dit, quand ils ont mangé, ou là, ils ont goûté de cette chose, de ce fruit-là, directement là, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a fait découvrir leurs parties intimes. Et ils ont commencé à enlever des feuilles, de grandes feuilles comme ça, des arbres, et à deux se cacher, afin de cacher leurs parties intimes. Donc vous voyez que, leur nudité est apparue. Donc la nudité a un grand rapport avec le shaitan. Plus une femme, et même un homme, se dénue, je sais pas si on dit se dénue, plus un homme ou là une femme, yani, se yata'arra, comment on dit yata'arra, plus un homme et une femme enlèvent de ses vêtements, et plus se dévêtit, se dénude, ça, plus un homme et une femme se dénude, plus quoi, ça veut dire que c'est le shaitan se déshabille, ça veut dire que c'est le shaitan qui a gagné, ça, ça veut dire que c'est le shaitan qui a gagné. Plus quelqu'un est habillé en long, plus ça veut dire que c'est celui que quelqu'un que Allah Azza wa Jalla aime. Et plus quelqu'un se déshabille, c'est plus yani le shaitan a fait son travail et il a gagné. C'est pour ça que le shaitan ici, il voulait quoi? Il voulait qu'il soit nu. Il voulait qu'il soit nu. Et il a réussi, le khabith, il a réussi à les déshabiller. Donc, vous voyez que yani, plus les ulama ont dit, plus yani il se déshabille, car le déshabillement est venu de qui? Est venu du shaitan. Maintenant, beaucoup de personnes, mal asif, se déshabillent très facilement. Beaucoup de personnes se déshabillent très, très, très facilement. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih que quand on voit quelqu'un dans le songe, plus tu le vois habillé, plus ça veut dire il a de la croyance. Car comme Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans le songe qu'il avait, ou lui-même s'est vu qu'il avait un grand, un grand vêtement qui marchait comme ça avec lui par terre, hein, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ça en songe? Il lui a dit l'ilm, la science, plus quelqu'un a des vêtements dans le songe, longs ses vêtements sont longs, plus c'est quoi? C'est il a la science, et plus dans le songe, il se voit tout nu, ou là, il se voit qu'il a montré ses cuisses, ou là il se voit seulement sous vêtements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le shaitan, ça veut dire que sa croyance est un peu faible, surtout s'il se voit en train de faire par exemple un rapport avec une femme, par exemple qui n'est pas sa femme, qui n'est pas son épouse. S'il voit ça dans le songe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut renouveler sa quoi? Yani, ça, c'est pas sa croyance, c'est pas un kafir. Il faut renouveler l'iman. L'iman, le prophète alayhi salam, il a dit dans un hadith sahih rapporté par l'Albani, il a dit c'est comme un vêtement. L'iman, c'est comme un vêtement. Un vêtement, tu le mets un mois, une année, deux années, trois ans, ensuite il va devenir yani khalas. Il est tout troué, là tu fais comme ça avec deux doigts, il se déchire. C'est la même chose l'iman. Tu restes toi 6 mois, 8 mois, tu n'ouvres pas le Coran, tu ne fais pas les nawafil, tu ne fais pas le jeûne, il s'use. L'iman, il s'use. Il faut le renouveler. Il faut le renouveler. Comment tu le renouvelles? Tu le renouvelles en faisant des prières, en faisant des doigts, en faisant. Je disais que se dévêtir, plus on se dévêtit, plus l'iman est faible en nous. C'est pour ça que je donne surtout un conseil à mes sœurs, aux sœurs et à mes sœurs, que une sœur, une vraie sœur, quand elle a quelque chose, des problèmes, elle commence toujours par chercher un médecin femme. Elle commence pas par l'homme, elle commence toujours par un médecin qui est femme. Parce que mal asif, je dis mal asif, beaucoup de, même de sœurs, beaucoup se déshabillent facilement devant l'homme si c'est un médecin. On te dit c'est un médecin, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est un médecin. Mais as-tu cherché la femme médecin, ou là tu as commencé direct par l'homme? Certains disent ça, il existe, mais il est loin, 50 km, 30, c'est pas loin pour quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui a honte de se dévêtir devant un homme. C'est pas loin. Même en bus, c'est pas loin. Si j'ai pas une voiture, je pars en bus, c'est pas loin. Pourquoi? Pour ne pas me dévêtir devant un homme. Et surtout, quand c'est, elle va se dévêtir et montrer ses parties intimes à un homme. Là, surtout. C'est pour ça que les ulama ont dit, en principe, c'est interdit à un homme d'étudier la gynécologie. Il est interdit en islam à un homme d'étudier cette science. Elle est faite seulement pour les femmes. C'est la femme qui fait accoucher une femme et jamais un homme. Jamais un homme en islam n'a le droit d'accoucher une femme. Les ulama ont dit, comme Cheikh Fouzan et les autres hafidhahoullah, ont dit, toutes les femmes du monde, des milliards d'années, accouchées avec, assistées par une femme, jamais un homme. Et 98% ne sont pas mortes. 98%, quand la femme accouche, elle ne meurt pas. C'est très rare où il y a des problèmes. Et les ulama ont dit, quand la femme a un problème pour accoucher, elle peut seulement frapper la porte à la voisine. Elle vient, la voisine, si elle est déjà mariée, la voisine, c'est-à-dire qu'elle connaît cela, elle l'assiste facilement. Je donne un conseil à mes sœurs, la sœur ne se précipite pas pour enlever ses vêtements devant un homme, mais elle doit avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher d'abord les femmes. Quand elle est dans la daroura et l'obligation, ça, inshallah ta'ala, c'est autre chose. Surtout, je me rappelle maintenant une chose, surtout si c'est un kafir. Surtout si le médecin, c'est un kafir. Là, c'est pire. Là, c'est un kafir. Il va voir mes parties intimes. Celui-là, c'est pire. Al-Muhim, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous aide toutes et tous et qu'il nous aide tous. Ensuite, j'ai oublié où j'étais. Non. Pourquoi Adam a.s. a-t-il mangé de l'arbre? Pourquoi Adam a.s. a-t-il mangé de l'arbre et elle aussi elle a mangé. Pourquoi? Parce que Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? L'Azouj a dit dans le Coran, Naam, la daroura nécessité, Naam, sauf dans la nécessité. Allah Azouj a dit dans le Coran, Wa qasamahuma, inni lakuma la minan nasihin. Pourquoi Adam et Hawa ont mangé? Parce que Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Wa qasamahuma, inni lakuma la minan nasihin. Il a juré par Allah que il leur voulait la nasiha. Il leur voulait. Il a juré par Allah. Je jure par Allah que je vous veux la nasiha. En arabe, c'est encore, ça a beaucoup, beaucoup plus de sens parce que ça rentre dans la balagha. La balagha, c'est-à-dire, regardez, il a dit wa qasamahuma. Il a juré par Allah. Adam alayhi salam, c'était la première fois qu'il entendait quelqu'un jurer. Il ne s'attendait pas, ou là, il ne savait pas que c'était possible que quelqu'un jure et il ment. Allez, ça ne s'est jamais passé dans sa tête. Il y a quelqu'un qui va me dire Wallahi l'adim, je te veux du bien, et il ne veut pas du bien. Ça, c'est impossible. C'est pour ça, premièrement, qu'il l'a cru. Deuxièmement, en arabe, il lui a dit Inni lakuma. Il n'a pas dit Wa qasamahuma, Inni minan nasihin lakuma. Il n'a pas dit Je jure par Allah que je veux le bien pour vous. Il a dit, je jure par Allah que pour vous je veux le bien. Ça, c'est comme ça en arabe. Pour vous je veux le bien. C'est-à-dire, seulement pour vous, pas pour d'autres. Subhanallah, naam. Yani, qaddama qaddama al-ma'moulada. Yadul al-amada al-hasra. Seulement pour vous. Je vais faire une faveur seulement pour vous. Je vous ai montré cela. Donc, c'est la deuxième chose qui a fait de sorte que Adam, alayhi salam, l'a cru. Ensuite, il a dit, il n'a pas dit, je jure par Allah que je suis quelqu'un qui fait la nasiha. Comment on dit nasiha? J'ai oublié nasiha, conseil. Non. Il a dit, wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Il a ajouté l'âme, en arabe, l'âme tawhid. Tu dis, innahu marid, il est malade. Mais si tu dis, innahu la marid, il est tawhid. Je veux dire que. Il est malade, vraiment malade. J'ai ajouté le L. Il n'y a pas ça en français, bien sûr. Il est malade, il n'a pas marid. Il n'a pas marid, la marid. Il est vraiment malade. Il n'est lakuma. Il n'a pas dit. Il n'est lakuma la min nasihin. Il a dit lamin. Pour insister, naam. Il n'est lakuma la min nasihin. Il n'a pas dit min nasihin. Subhanallah l'adim. Donc, Adam alayhi salam a mangé. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait jamais que c'était possible que quelqu'un fasse cela. Wa kanat Hawa, akalat min ash-shajarati qabla Adam. Et Hawa alayhi salam avait mangé de l'arbre avant Adam alayhi salam. Wa hiya allati hassatu ala akliha wallahu a'lam. Et c'est elle qui l'a poussé à manger wallahu a'lam. Regardez, il a bien dit wallahu a'lam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de très sûr que c'est elle qui l'a poussé. Mais il y a comme un hadith que je vais maintenant citer, qui montre que il y a beaucoup de chances, ou là, c'est pas si on dit de chances, il y a beaucoup de possibilités que ce soit telle qui l'ait poussé à manger. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, an Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, laoula banu Israël, لم يخنز اللحم. Si c'était pas Benou Israël, les juifs, si c'était pas eux, la viande n'aurait jamais pourri. Si c'était pas Benou Israël, si c'était pas les juifs, tu achèterais toi de la viande aujourd'hui, c'est pas la peine de la mettre dans le frigo. Tu manges un peu et tu la laisses en plein soleil. Et tu reviens après une semaine, tu manges un peu et tu la laisses. Une semaine et elle va rester jusqu'à ce qu'elle se termine. Jamais elle ne changera de couleur ou bien donnera une odeur si ce n'était pas les juifs. Pourquoi les juifs? Parce que Allah Azza wa Jal, il leur descendait le manou selwa. Il leur descendait chaque jour du miel et des volailles, des poulets, allez, du quoi? Du ciel. Chaque jour il leur descendait dans une grande table comme ça qui descendait du paradis. Subhanallah l'adim. Mais il leur a dit, attention, Allah Azza wa Jalla a dit, attention, j'ai une condition. Koulou wa la tadakhiru. Mangez et ne cachez pas. Ça veut dire ne laissez pas pour demain, pour après-demain. Vous avez un pacte avec moi que chaque jour je vais vous descendre une table maïda du paradis, plein de choses qui n'existent pas sur terre. Mais seulement je vous demande une chose, de ne pas cacher. Subhanallah, pourquoi tu vas cacher? À quoi ça sert alors que je vais te descendre chaque jour, non seulement pour manger, mais pour yani hatta tashba, hatta yani al-muhim. Mada fa'alu abou illa an yadkhiru. Mais ils ont dit non. Nous, c'est pas le genre qui on va suivre ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on voudrait cacher. On voudrait cacher de l'ahmal. C'est pas cacher, il y a un verbe, tu dis, yani, khabbi l'omor. Le mohim. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a châtiés. Aqabhum. Aqabhum. Aqabhum bimada. Faja'ala. Faire des réserves. Non, faire des réserves. Ça, faire des réserves. Allah Azza wa Jal dit, ne faites pas de réserve. Mangez seulement, je vous descends chaque jour. El Mohim, ils ont dit, là, nous, on cache, on fait des réserves. Allah Azza wa Jal, on se provisionne, on provisionne. Ça, on fait des provisions. Allah Azza wa Jal a dit, donc, je vais vous faire un adab. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette viande que vous allez cacher, si elle dépasse un jour ou là, il y a des vers qui vont sortir. Et elle va avoir une mauvaise odeur. Et si vous mangez, vous allez mourir, être empoisonné et mourir. Voilà comme châtiment. Parce que, moi je vous dis, faites ceci, vous vous dites non. Les Yahoudis, ils sont connus, les Yahoudis, les Juifs, ils sont connus pour contrarier Allah Azza wa Jal et ses prophètes. Même ils sont connus pour tuer les prophètes. Qui a tué Yahya, qui a tué Isa, d'après eux, et ça n'est pas mort, bien sûr. D'après eux, ils ont tué Yahya, Zakaria, les Qattalin, Qattaloun al-Anbiya. Maouf. Les Juifs, ils sont très connus pour tuer les prophètes. Wal'iyadu billah. Et hier, on a dit, il n'y a pas quelqu'un de plus grand crime que tuer un prophète ou être tué par un prophète. Tuer un prophète ou être tué par un prophète, c'est l'un des plus grands crimes du monde chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'il leur a fait? Ça s'appelle en fi usul al-fiqh ou fi al-qawa'id ايضا يقولون معاملة الجاني بنقيض قصده. Allah Azzawajal, il fait ou il يعامل يعني استغفر يعني toi tu fais quelque chose dans le but par exemple de gagner telle chose. Allah Azza wa Jal va te faire comme résultat le contraire. Ça c'est une sunna min sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna min sunan Allah Azza wa Jal. Je donne beaucoup d'exemples pour que vous compreniez. Par exemple, il est interdit de se marier avec une femme quand elle est dans sa période de viduité. Ça, c'est interdit. Maintenant, il y a quelqu'un qui va demander à la femme sa main en période de viduité. Allah Azza wa Jal, c'est quoi le châtiment, l'iqab? Le contraire, il va lui faire le contraire, naqid al-qasd, le contraire de ses intentions. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Allah Azza wa Jal? Que c'est haram en islam, donc, de se marier avec quelqu'un, avec quelqu'une qui est en période de viduité, et on va séparer, parce qu'ils ont fait cela, on va séparer entre eux, et c'est interdit pour toute la vie de se marier. Sauf, Allah Azza wa Jal t'a dit, attends qu'elle termine la période et demande sa main. Toi tu dis non, je demande maintenant. Tu demandes maintenant, alors dès que tu demandes, le juge, etc., il va avoir au courant de l'affaire, hop, il va te marquer que c'est interdit à vie de te marier avec cette femme. Tu vois, Allah Azza wa Jal te fait le contraire de tes intentions. Quand tu veux, tu contraries son Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi les ulama ont dit, bon j'ai pas préparé des exemples, je vous dis comme ça de ma tête si je me rappelle quelques-uns. Les ulama ont dit, regardez, quand c'est aussi la question de mariage. Non, quand quelqu'un par exemple dit à sa femme, si tu sors de la maison, tu es divorcé. Ou bien, si tu allumes la télé, tu es divorcé. Ou bien, si tu vas chez tes parents, tu es divorcé. Par exemple, maintenant elle est partie, elle est sortie, elle est allée chez ses parents, ou bien elle a vu la télé, ou bien elle a fait ce qu'il a dit lui, si tu fais, tu es divorcé. Les ulama ont dit, en principe, on va voir ses intentions. On va lui dire, toi, pourquoi tu as dit cela? S'il va dire, moi, j'ai dit cela parce que j'en ai marre de cette femme, je veux la divorcer. Donc, allaqahu bishart. Donc, si elle fait cela, elle est divorcée. Donc, on va lui dire, khalas, puisqu'elle l'a fait, elle est divorcée. Mais si, quand on lui dit, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi tu as dit cela? Il a dit, j'ai dit cela seulement pour la menacer. J'ai dit cela seulement pour la menacer. Je ne veux pas la divorcer. J'ai dit cela pour qu'elle ne sorte pas, pour qu'elle ne n'aille pas chez ses parents, pour qu'elle ne voit pas la télé. Mais je lui fais peur. Dans ce cas, que disent les ulama, elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas divorcer. Il voulait qu'elle ne fasse pas. C'est pas comme le premier. Le premier, il a dit, bon, j'en ai marre d'elle, donc si tu sors, tu es divorcé. Donc, si elle sort, elle est divorcée parce qu'il voulait déjà divorcer. Alors, dans le deuxième cas qui nous intéresse, qui a rapport avec ce que je viens de dire, si l'homme dit à sa femme, mais il ne veut pas la divorcer, il veut faire des menaces seulement, il lui dit, si tu sors de la maison, tu es divorcé. Et elle va se dire dans son cœur, Wallahi, alhamdoulilah, c'est l'occasion ou jamais. Ça fait longtemps que je veux me séparer de cet homme. Donc, c'est l'occasion ou jamais, je vais sortir. Et elle va sortir, les ulama ont dit, elle ne sera pas divorcée. Elle ne sera pas divorcée. Pourquoi elle ne sera pas divorcée? Parce que, comme je viens de le dire, Allah Azza wa Jal yu'amil al-jani ala naqib qasdih. Allah Azza wa Jal fait de sorte que celui qui veut faire quelque chose, il lui donne le contraire. Bon, la règle, elle va venir, elle a beaucoup d'exemples. Inch'Allah Ta'ala, quand on parlera de fiqh, il y a au moins 10 ou 20 exemples dans ce sens pour que vous compreniez bien. Quel est le sens de cette qaïda qui est très très très muhimma, Ensuite, c'était où exactement? Non, j'avais pas terminé le hadith. Laoula Banu Israël, si c'était pas Banu Israël les juifs, la viande n'aurait jamais pourri. Wa laoula Hawa, et si ce n'était pas Hawa, lam takhun unta zawjaha, aucune femme n'aurait trompé son mari. Aucune femme n'aurait trompé son mari. Tekhoun, moi j'ai dit tromper, parce qu'en général, ça veut dire cela. Mais ici, tromper, les ulama ont dit, c'est impossible que la femme d'un nabi le trompe. C'est impossible. L'Azawajal ne choisit à ses prophètes que les femmes salihat. Même si elle n'est pas bien, elle est kafira. Elle est kafira cette femme, jamais elle ne trompe le Nabi. Le Nabi, tellement Allah Azza wa Jalla l'aime, qu'il le défend. Il a dit dans le Coran, Inna Allah yudafi'u anilladina amanu. Allah Azza wa Jalla défend les croyants, comment ne défendrait-il pas un Nabi? Comment il laisserait les gens partir parler sur la femme du Nabi? Ça c'est impossible. Donc les ulama ont dit, khanetu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, elle l'a trompé, en ce sens que elle l'a poussé jusqu'à ce qu'il ait mangé du fruit du paradis. Ça veut dire elle l'a enduit en erreur. Donc c'est pas le khiyana, c'est pas le fahisha, attention, c'est pas la zina et la fornication comme peut-être certains vont croire. Khaneto, elle l'a enduit en erreur jusqu'à ce qu'il il a mangé. Il mange, c'est bien, on va devenir des anges, tu n'as pas entendu ce qu'il disait l'autre, on va rester éternellement, on va... Il a mangé, ensuite, bien sûr, elle a mangé aussi. C'est pour ça que l'Azawj l'a dit quand il a parlé de alayhi salam, Nuh, et de l'autre, alayhi salam, quand il a dit, fa khanatahuma, parler de leur femme, il a dit fakhanatahuma, elles leur ont trompé. Certains ont cru qu'elles leur ont trompé, elles ont trompé leur mari, Nuh et l'autre, donc elles ont fait la fornication. Non, jamais. Khanatahuma, elles ont fait quoi? Elles ont fait le kof. Elles ne sont pas rentrées dans l'islam. Elles sont rentrées dans le kof. C'est une grande triana. Ça, c'est la grande tromperie. La grande triana de ne pas rentrer en islam. Donc, la'natullahi, je dis bien la'natullahi à ceux qui disent que Aïcha a fait la fornication. La'natullahi pour quiconque dit ou bien a dit que Aïcha, radiallahu ta'ala, anha, notre mère, a fait quoi? A fait la fornication zanat. Alors que le Coran est descendu spécialement pour elle, descendu du septième ciel, de l'arche de Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus des sept cieux, pour dire que elle est bari'a. Elle est bari'a. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, sauf le nord, qu'elle était bari'a. Oulaïka lahum maghfiratun wa rizqun karim. Lahum na'am, innocente. Oulaïka lahum maghfiratun wa rizqun karim. Donc quiconque dit de Aïcha radiallahu ta'ala anha, il dit quoi? Il dit qu'elle a fait la fahisha. Il dit qu'elle a fait la fahisha. Celui-là, les ulama ont dit, c'est un kafir. C'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, à Allah, il lui dit, tu mens. Oulayyadu billah. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, ceux qui sont venus avec le mensonge, qui a été un groupe de vous, la tahsabu sharran lakum, ne croyez pas, c'est quelque chose de mal. Ben huwa khayrun lakum, c'est quelque chose de bien. Vous allez voir pourquoi c'est quelque chose de bien. Ensuite, il a dit, Allah Azza wa Jalla, à la fin du verset, il a dit, walladhi tawalla kibrahu minhum law adabun adhim. Celui qui a fait marcher cette médisance et cette parole, cette mauvaise parole entre les croyants, celui-là, il aura un grand, grand châtiment lorsqu'il me rencontrera. Lorsqu'il ment, enfin, celui qui a fait la calomnie, il aura un grand, grand châtiment lorsqu'il me rencontrera. Et le grand délit qu'elle n'avait fait rien, c'est que Allah Azza wa Jal a dit, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ceux qui calomnient les femmes sur subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit l'Azza wa Jalla, الغافلات ça veut dire elle n'a jamais pensé à cela, jamais il lui est passé dans sa tête à Aïcha radiallahu ta'ala qu'elle fasse cela, jamais. Ghafila, miskina, c'est une pauvre, elle ne pense qu'à la prière et à pleurer à son mari, etc. Comment va-t-elle faire cela? L'Azza wa Jalla a dit c'est une ghafila. C'est pour ça que radiallahu ta'ala anha, c'est pour ça que les gens avaient déjà parlé, je ne sais pas combien de temps, d'elle, deux ou trois jours, avaient calomnié qu'elle avait fait, des hypocrites ont dit cela, et elle ne savait même pas, jusqu'à que, une fois elle est sortie pour aller aux toilettes avec Mistah. Ensuite, Mistah, elle est tombée, elle s'est accrochée comme ça, elle est tombée, elle a dit Ta'isa Mistah. Ta'isa Mistah, yani, que ne gagne pas Hada Mistah, son fils. Elle lui a dit, Aïcha, pourquoi tu lui dis comme ça de Mistah, ton fils? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Elle a fait un doua contre lui, sa mère. Elle lui a dit, Aïcha, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Elle lui a dit, Mistah, tu ne sais pas ce qu'il a fait? Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Subhanallah, tu ne sais pas que les gens disent de toi que tu as fait la zina? Moi, j'ai fait la zina? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Toi, tu dors. Maintenant, toute la ville qui dit que toi, tu as fait la zina. La hawla wa la quwwata illa billah.